Service culturel, bonjour. Bonjour, c'est le groupe Paragraphe. Je vous appelle. Je vais patienter. Quand la nuit tombe sur la ville, la seule chose à faire, compter les minutes qui défilent. Quand vient la motive de voir un peu ce qui se passe dans la vie des autres gens, dans le bar d'en face. C'est la ville qui t'agace. Elle a pas fière allure. La glande, une drogue qu'on pratique à la dure. Tous avachis entre quatre murs. Le budget, une crevasse, les élus. Rien que des rapaces de mauvais os. Alors commence une cure. Ça épluche les histoires de sombre ignorant. Et on est presque sûr quand la propagande prend du genre. Qu'est-ce qu'on attend pour bombarder l'Iran? Mais vous êtes tous que d'un, on n'est pas tous garants d'avoir miné le terrain avec des bras ballants. Dans cette ville de mort, y'a plus rien à faire. Alors on reste dans nos turnes, les couilles à l'air. La vie nocturne, faut qu'on la récupère. Alors tous à la mairie, tirez les choses au clair. Donne-moi des balles, donne-moi des balles. On ne veut plus d'élus prétextant. Que la lune est belle sans nos cris incessants. Si la zup descend, ça finit en bain de sang. Donne-moi des balles, donne-moi des balles. On ne veut plus d'élus prétextants. Qu'il y a déjà tant de choses à faire, qu'on est trop exigeant. Et que gérer un budget, c'est pas si évident. Fin de l'année fiscale, champagne et gazal. Dans la poche et la bouche de cette belle fringale. Mais surtout on y trouve des histoires incroyables. Comme le fantasme d'une jeunesse bien trop instable. Condamné à mendier, ton âme charitable. Quand la municipalité invoque l'injection létale. Mais tes concitoyens ont un poids considérable. Ils veulent une salle de concert en consigne malléable. Donne-nous des balles avant qu'une armée de squales s'installe à ton conseil municipal. Quand tu l'accordes en avant, tu nous la mets en aval. Tu nous fais tourner en rond pendant que tu te régales. Quand il s'agit de donner des fêtes au fond des caves, de champagne à volonté, ça y va à fond de calme. Nous on t'a téléphoné, t'as mis la boîte vocale. Tu nous as jamais rappelé, à chaque fois tu nous remballes. Donne-moi des balles, donne-moi des balles. On ne veut plus d'élus prétextants. Le dossier est incomplet, il manque des éléments. Et pour remplir avant les vacances, on risque de manquer de temps. Donne-moi des balles, on ne veut plus d'élus prétextants. Que les vieux du quartier nous trouvent trop bruyants. Et que la plupart d'entre eux gèrent le département. Quand l'élite locale s'approprie la culture, c'est de l'eau minérale au moulin de la dictature. Antisocial, on appelle ça la fracture. Fauché et fauchon tirent sur la couverture. Certains se retrouvent à poil, un peu comme sous gastro. Ils restent chez eux à en devenir accro. Pendant que d'autres jouissent des arrêtés municipaux. Les clubs de charlatans sont les principaux. Et y'a les hôtels de luxe, les touristes à la fenêtre. Les patrouilles de nuit, les aigris à la retraite. Quand les grands esprits purifient le caniveau. C'est toute une patrie qui crie cocorico. Malgré les sourires et les gestes amicaux. Parfois les élus sont des plus radicaux. Ils nous mettent à la rue, ils veulent nous la mettre. Mais grâce à eux, la révolte va naître. Donne-moi des balles, donne-moi des balles. On ne veut plus d'élus prétextants. Que la lune est belle sans nos cris incessants. Que si la zup descend, ça finit en bain de sang. Donne-moi des balles, donne-moi des balles. On ne veut plus d'élus prétextants. Le dossier est incomplet, il manque des éléments. Et pour remplir avant les vacances, on risque de manquer de temps. Donne-moi des balles, on ne veut plus d'élus prétextants. Que les vieux du quartier nous trouvent trop bruyants. Et que la plupart d'entre eux gèrent le département. Donne-moi des balles, on ne veut plus d'élus prétextants. On rénove le comico, alors y'a plus d'argent. Et ce genre d'événement, c'est pas la priorité, tu comprends? Moi, ce que je comprends, c'est que vous en avez rien à foutre d'animer la ville. La seule chose que vous savez faire, c'est vous branler.